لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. C'est Allah qui a créé sept cieux et des terres en nombre semblable. Entre cieux et terre, l'ordre descend toujours pour que vous sachiez qu'Allah est de toutes choses infiniment capable et qu'Allah sert de toutes choses par sa science.